Quand des jours m'envoie ce journal, madame qui besoin de jardinier. Quand des jours m'envoie ce journal, madame qui besoin de jardinier. Et moi-même qui n'a pas nécessité, moi qui ouais si va m'aider. Si m'te ouais madame la monsieur, on va pas quoi t'avancer. Petit garçon, osé j'en là. Petit garçon, osé j'en là. Si t'es ouais, comment t'as des belles gauches pour la mon osé j'en là. Petit garçon, osé j'en là. Osé, petit garçon, osé j'en là. Si t'es ouais, comment t'as des belles gauches pour la mon osé j'en là. Trois mois après, j'en ai fait madame sans vie, sans beauté. Toute fois, si n'agir, je vais retirer, moi, dans mes lits. Madame m'a dit, fais-t'en, vous connaissez bien, moi, pas d'abord. Et puis, il dit, je vais vous accompagner ici, c'est pour qu'on va poser jamais là. Les garçons, osez jamais là. Osez, les garçons, osez jamais là. Si tu vois ça, moi, il t'a demandé qu'à où tu pompes la bombose et jamais là. Malgré fatigué, moi, pas de moyen pour mal reposer. À tout soleil chaud, moi, tellement je suis mal couché sous tout. Madame m'a dit, maintenant, vous connaissez bien, moi, pas d'abord. Et puis il dit, je vais vous accompagner ici, c'est pour qu'on va poser jamais là. Les garçons, osez jamais là. Les garçons, osez jamais là. Si tu es ouais, c'est moi, il t'a demandé, les gars, où tu prends la mousse, jamais là. Les garçons, osez jamais là. Les garçons, osez jamais là. Si tu es ouais, c'est moi, il t'a demandé, les gars, où tu prends la mousse, jamais là. Maintenant, maintenant, vous connaissez bien, moi, pas d'accord. Et puis dit de vamos à gominicite, c'est pour qu'à voir vos échanges. Si te vois sur moi, t'as des belles ou tu vends la bombe aux échanges. Si garçon,